L'exposition des affiches illustrées ce thème accéléreront la progression victorieuse du socialisme avec la grande force motrice de l'esprit de se renforcer soi-même est ouverte le 24 courant à la Maison de la Culture Internationale de Pyongyang pour encourager les militaires et civils coréens à appliquer parfaitement les tâches énoncées dans le message de nouvel an du dirigeant suprême Kim Jong-un. Y sont exposées des dizaines d'affiches illustrées créées par le Centre de création artistique Mansudae, l'Agence centrale de création des beaux-arts, l'Université des beaux-arts de Pyongyang et l'Agence de création des beaux-arts du ministère des chemins de fer. Des cadres du domaine intéressé et des citadins ont visité l'exposition.